À voir comment français peut s'employer comme un verbe indépendant, mais aussi comme un verbe auxiliaire. Par exemple, j'ai bu, j'ai préparé. On peut faire la même chose en anglais. Préparer, c'est, vous vous souvenez? To prepare. To prepare. J'ai préparé. Le passé simple en anglais se dit... I prepared. I prepared. Mais on peut aussi dire j'ai préparé. I have prepared. Avec les verbes réguliers, la forme du passé simple et du passé composé est toujours la même. C'est la même chose. Eh oui, c'est la même chose avec les verbes réguliers. Les verbes réguliers, c'est-à-dire ceux pour lesquels on emploie la terminaison « ed » pour exprimer le passé. Alors, comment dit-on « j'ai attendu » au passé simple ? I waited. I waited. Et avec avoir, littéralement « j'ai attendu ». I have waited. I have waited. Yes, I have waited. Demander. To ask. To ask. Il a demandé. He asked. Once more. Asked. He asked. Once more. He asked. He asked. Yes, he asked. Il a demandé. He has asked. Very good. He has asked. Avec l'auxiliaire avoir, c'est toujours le même principe. Alors, on continue. J'ai attendu au passé simple. I waited. I waited. Je n'ai pas attendu. I didn't wait. I didn't wait. J'ai attendu au passé composé. I have waited. I have waited. Pour exprimer la négation au passé composé avec « have », par exemple « je n'ai pas attendu », on n'emploie pas le signal. « I have not waited ».« I have not waited ». Comment dit-on « avoir », le verbe indépendant, « je l'ai »?« I have it ».« I have it ». « Je ne l'ai pas », attention, il faut utiliser le signal. « I don't have it ».« I don't have it ». Mais pour exprimer le passé composé, on emploie « j'ai » suivi d'un verbe. Comment dit-on « j'ai attendu » ? « I have waited ».« I have waited ». Et « je n'ai pas attendu ».« I have not waited ».« I have not waited ». Et « avez-vous attendu » avec le passé composé ?« Have you waited ?»« Have you waited ?»« Yes, have you waited ?» Alors, comment dit-on « il l'a préparé pour vous » au passé simple. He prepared you. He prepared it for you. Yes, he prepared it for you. Et il l'a préparé pour vous au passé composé. He has prepared it for you. Yes, he has prepared it for you. Il ne l'a pas préparé avec le passé composé. He has not prepared it for you. Right. He has not prepared it for you. Et au passé simple, il ne l'a pas préparé. Attention, là, il faut employer le signal. He didn't prepare it for you. Very good. He didn't prepare it for you. Yes. Alors, comment dit-on « nous avons travaillé ici toute la journée ». Nous avons travaillé au passé composé. We have worked here. All day. All day. All day. Toute la journée. We have worked here all day. Les verbes réguliers, les verbes auxquels on ajoute ed pour le passé simple, ont la même forme. Ed pour le passé composé. J'ai décidé, se dit donc. I have decided. I have decided. Et au passé simple? I decided. I decided. Je n'ai pas décidé. I didn't decide. Very good. Right. I didn't decide. Au passé composé? I have not decided. I have not decided. Ou avec la contraction, I haven't decided.